Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la suite de notre série de fiction L'Otage. Aujourd'hui, 4e et 5e épisode, La Révélation et la Libération. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. L'Otage, de François Luciani. D'après Le piège américain, de Frédéric Pierucci et Mathieu Aron, publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Réalisation, Cédric Ossir. 4e épisode, La Révélation. Sensation de brûlure, une envie terrible de disparaître. À nouveau des cris, des insultes, une bagarre pour un bout de trois fois rien. Je préfère ne plus rien voir. Fuir, heureux, sans plus jamais croire ni au passé, ni en l'avenir, ni en rien. Un demi-tube de diazépam avalé cul sec et 3 jours et 3 nuits plus tard, j'ai eu la visite de Stan, mon avocat. Je suis heureux de vous voir, Stan. Hein. Je vous croyais mort depuis le temps. Rassurez-vous, mon cher Fred, je suis bien là, à vos côtés. Comment se fait-il? Vous devriez avoir laissé tomber depuis longtemps, puisque Alstom ne vous paye plus. C'est qui vous paye maintenant? Moi, non, sûrement pas, parce que... Alors moi, j'ai pas un rond. Le code éthique des avocats nous oblige à assurer la défense de nos clients lorsqu'ils se trouvent dans une situation de précarité. Je crois que c'est votre cas, n'est-ce pas? Moi? Vous croyez? Ah non, non, non, non, pas le moins du monde, non, non. Vous devez vous tromper de client. Votre épouse a appelé le cabinet... Elle semblait très inquiète de votre état de santé. Comment vous sentez-vous, Fred? Oh, bien de ma forme. Je pète le feu, là. Ah, ici, c'est royal, hein. Service 4 étoiles, promenade tous les jours, sport, menu gastronomie. Mais que voulez-vous de plus? Non, vraiment, vraiment, je vois pas aucune raison de me plaindre. Enfin, en plus, je suis sûr que vous m'apportez une bonne nouvelle. Hein? Qu'y a-t-il dans votre belle sacoche en cuir pleine fleurs, Stan? Quelle est la bonne nouvelle aujourd'hui? Fred, inutile de vous moquer de moi, je suis là gratuitement, juste pour vous aider. Je vous le demande, Stan, quelle est la bonne nouvelle? Je n'ai pas de bonne nouvelle, Fred. Alors, quelle est la mauvaise? Le tribunal a reculé l'audience de 4 mois. Oui, il faut attendre encore 4 mois. Et... 4 mois de plus dans cet enfer, là? Oui, Fred. Et on peut savoir pourquoi? Aucune idée. Aucune idée? Vraiment? Pas la moindre? Je vous assure, Fred, je ne comprends pas. Et après? Après, ça sera combien? 6? 8? 10? 12? 15? 10? Dis combien? Je ne sais pas, Fred, je suis désolé. Désolé? C'est tout? Mais tu te fous de ma gueule, connard! Depuis le début, t'essayes de me faire pleurer, là! Tu viens gratuitement juste pour vous aider! Mais tu creuses mon trou, espèce d'ordure! Tu le sais très bien! Tu travailles pour eux! Tu travailles pour eux, tu palpes leur fric! Et tu mens! Tu mens comme tu respires, enfoiré! Tu mériterais que je... Fred! Calmez-vous! Essayez de retrouver vos esprits! J'ai essayé de comprendre pourquoi une telle décision, mais je n'ai pas obtenu de réponse. Aucune. Cela vient d'Alstom. Je n'en sais pas davantage. Casse-toi! Casse-toi! Mais je vous assure que je suis avec vous! Casse-toi! Avocat de mes deux, casse-toi tout de suite avant le reportage! Fred! Dégage! Dégage! Je vous ai très bien! Je sortirai pas vivant d'ici! Je vais crever, hein! Je vais crever! Fred! Un problème, monsieur Joss? Non! Non, non, non, c'était rien, assurez-vous. Allez, fous le camp, dégage, toi et tes putains de dossiers, là. Foutez le camp, tous, laissez-moi crever. Je n'ai jamais aimé les cris, ni les insultes, ni les coups. Mais à cet instant-là, je crois que j'aurais pu le tuer. Wyatt, insidieuse, maligne, avait fait de moi quelqu'un d'autre, un animal dangereux, une proie en survie parmi les loups. J'étais devenu comme eux. Je considérais mes co-détenus comme des frères, y compris dans leur abjection. Dans ce huis clos infernal, les drogues et les anxiolytiques faisaient leur travail, minoraient la conscience et annihiler le discernement. Je crois que j'étais en train de perdre la raison. Heureusement, il y avait Tommy, mon pote, ce truand, mon garde-fou. L'échine courbée, il sait tendre la main quand tout va mal. Il a cette part d'humanité, partagée au fil du temps quand tout fout le camp. S'il n'avait pas été là, j'aurais sombré, c'est certain, corps et âme, au fond du trou. Tommy. Oui. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu peux me dire comment il a fait, le petit, là, pour se pendre au radiateur? Tu veux vraiment savoir? Oui. Pourquoi? À 30 cm au-dessus du sol, c'est pas si simple. Et alors? Et alors T'as pas l'air trop dans ton assiette, Frenchy, pas vrai? Je sais pas. Disons que... Quelqu'un l'a aidé. Pardon? Steve, quelqu'un l'a aidé, je te dis. Qui? Tu me prends pour qui? Une donneuse? Toi? Ah oui, c'est toi, hein? Écoute-moi bien, Frenchy. Si tu veux qu'on reste amis, évite de poser trop de questions, ok? Ici, l'idée, c'est de durer. Pas de fourrer son putain de nez partout. Donc, tu parles avec moi, on déconne sur le bon vieux temps, et on laisse venir. Comment tu l'as aidé? Ça te regarde pas, je te dis. Tout ce que je sais, c'est que le petit, il n'avait aucune chance. Il avait pris perpète. Alors pour lui, ça valait mieux comme ça. Toi, c'est pas pareil. Et maintenant, tu la fermes, ok? J'en veux plus de tout ça, Tommy. Je suis à bout, là. C'est pas toi qui m'avais dit que t'étais un putain de manager, un warrior, un winner, un boss qui prend les directs à la face sans jamais moufter? C'est pas ce que tu m'avais dit? Moi? Oui, toi. Ouais, mais ça, c'est... Ça, c'était avant, tu vois. Ça, c'était dans le travail. Alors, tu te ramollis? Ouais, voilà, si on veut, ouais. Finalement, ici, tu deviens un mec comme les autres. Un humain. Humain, tu crois? Avant, t'étais qu'une merde. La prison, ça sert à ça, Frenchy. Comprendre qu'avant, on n'était que des merdes. J'ai honte de rien, moi. De personne. Tu te croyais plus fort que les autres, avec ton fric et ton costard? Dis-toi bien que tu vaux pas mieux que n'importe qui, ici, au pod A, Frenchy. T'es comme les autres, pareil. Tu vaux pas mieux. J'en ai marre, Tommy. J'ai envie de crever. Et moi? Tu crois pas que j'en ai marre d'écouter tes conneries? J'ai plus la force, là. Tu fais chier, voilà! J'en peux plus. Excuse-moi, Tommy, excuse-moi. Allez, viens, fillette. Ce soir, c'est la finale des Giants contre les Royals. Ça te changera la tête au lieu de bouffer des médocs. J'ai suivi Tommy dans le coin télé réservé aux Blancs. C'était le soir de la finale du championnat de baseball, les Giants contre les Royals, au Yankee Stadium de New York le 24 avril 2014. Une ambiance du diable, des écrans de pub en pagaille, les infos défilent sur la NBC, et soudain, un flash. General Electric en pourparler pour le rachat d'Alstom pour 13 millions de dollars. Dans le vacarme des cris des supporters des Giants contre les Royals, j'entends à peine le commentaire de Jeffrey McCracken, le journaliste financier de Bloomberg News. Tommy, t'as vu? Quoi? General Electric rachète Alstom. Quoi? General Electric rachète Alstom pour 13 milliards de dollars. Mais j'en ai rien à foutre. Non mais c'est dingue. Mais je comprends pourquoi je suis là. Tommy, tu comprends? La ferme. Tu me laisses voir le match, oui? Non mais c'est dingue, Tommy. Mais la ferme, je te dis. Ils ont toutes les preuves. Les pots de vin, les commissions, les intermédiaires, les donneurs d'ordre, les témoins, les mails, les textos, toutes les preuves d'un système de corruption généralisé, mis en place par Patrick Kron lui-même. Ils le tiennent. Il est dans la nasse. Il doit vendre, vite. S'il n'obéit pas, il sera poursuivi par le département de justice des États-Unis au nom du FCPA, le pacte anticorruption. Il écopera d'une amende colossale, assortie d'une peine de 20 ans de prison ferme à purger sur le territoire des États-Unis. Voilà le deal. Vendre Alstom à General Electric ou dire adieu à la liberté. Vendre pour sauver sa peau. Ils avaient su garder le dossier bien au chaud, patiemment, en secret. Kron n'y avait pas cru. Il les avait pris de haut. Mais le piège tendu se refermait sur lui. Patrick Kron, l'éminent polytechnicien, membre du corps des mines, est-il capable d'abandonner le nucléaire français aux intérêts américains juste parce qu'il aurait la trouille de finir en tôle? Qui pourrait croire à une telle aberration? Et pourtant... Au loin, j'entends les chants des supporters. Les Giants mènent 3-2 contre les Warriors. Et le département de justice a remporté la première manche. Allô Clara, tu as appris la nouvelle ? Patrick Kron vend la filière énergie d'Alstom à General Electric. Un truc de dingue, sans rien dire à personne. Oui Fred, on a entendu ça à la radio aussi ce matin. Personne n'était au courant des négociations, c'est une fuite dans la presse qui a mis le feu aux poudres. Non mais c'est pas possible, il n'a pas pu faire ça dans le dos de tout le monde. Le gouvernement français va pas laisser faire. Ça commence à faire un sacré bruit. Le ministre de l'économie n'est pas content du tout. C'est peut-être là notre chance. Il faut tenir Fred. Le gouvernement n'accepte pas... Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Et d'ailleurs, aucun gouvernement de quelconque État dans le monde n'accepterait... 29 avril 2014. ...le fait accompli d'être informé un vendredi qu'un de ces fleurons nationaux qui vit de la commande publique avec 20 milliards de chiffre d'affaires et 95 000 salariés soit vendu le dimanche soir. Aucun État ne l'accepterait. Et voyez-vous, monsieur le député, nous sommes prêts depuis le mois de février. Et depuis le mois de février, j'interroge monsieur Patrick Kron, président de cette entreprise qui est notre fleuron national. Et monsieur Patrick Kron, alors que je l'ai interrogé dûment, solennellement et sérieusement, m'a toujours dit qu'il n'avait aucun projet d'alliance. Est-ce que le ministre de l'économie doit aller installer un détecteur de mensonges dans son bureau pour les présidents du CAC 40 qui n'ont pas le civisme élémentaire d'avertir leur gouvernement ? Je voudrais vous rappeler, monsieur le député, que Alstom fabrique les turbines des chaudières nucléaires de EDF, de l'EPR. Et c'est la raison pour laquelle j'ai invoqué auprès des investisseurs étrangers, comme d'ailleurs General Electric, la clause du contrôle des investissements étrangers, comme d'ailleurs elle existe aux États-Unis d'Amérique, ce que tout citoyen américain peut comprendre. Je vous dois des excuses, Stan. Pardonnez-moi pour l'autre jour, je me suis laissé emporter. C'est à cause des médicaments, les effets secondaires, vous voyez ? C'est terrible, les effets secondaires, on ne maîtrise pas. Nous sommes que des humains, hein. Qu'est-ce que vous voulez ? Ouais, vous inquiétez pas, Fred. Tout cela est déjà loin à oublier. Nous sommes que des humains, comme vous dites, pas des machines. Parfois, nous nous égarons, notre intelligence se trouble. Ça nous arrive, en effet. Et nous ne savons plus faire la différence entre vérité et mensonge. Oui, c'est malheureux. Comme des animaux, sans mémoire ni jugement. À ce point, vous croyez ? Oui, ça nous arrive parfois. Oui, de ressembler à des animaux. Tout de même, Fred, vous n'exagérez pas un peu ? La différence, c'est que eux, ils ne savent pas mentir. Vous avez un chien, Stan ? Oui, Kekao, un labrador, doux comme un agneau. Est-ce qu'il vous a menti un jour, Kekao ? Non, jamais. Et vous ? Vous, lui avez-vous menti ? Ça m'est arrivé, oui, pour une récompense ou une friandise. Il ne voulait pas obéir. À l'époque, il n'était qu'un chiot. Combien de fois lui avez-vous menti ? Une fois ou deux, pas plus. Pourquoi ? Alors pourquoi vous mentez tout le temps, Stan ? Je ne mens pas, voyons. C'est la vérité. Quelle question ? Mais bien sûr que si, vous mentez. Vous mentez, c'est tout. C'est votre nature. Admettez-le. Mais pas du tout. Vous saviez depuis le début que je n'étais qu'une proie. Un misérable animal pris au piège par des braconniers dans une chasse sans nom. Un appât pour faire chanter le gros gibier. Mais qu'est-ce que vous imaginez ? Vous saviez très bien que le département de justice cherchait à faire plier Patrick Kron pour l'obliger à vendre Alstom à General Electric et que je n'étais qu'un otage dans la négociation. J'ignorais toute cette vente, Fred. Vous mentez ! Vous le saviez depuis le début. Vous étiez payé par Alstom. Vous deviez le savoir obligatoirement. Non, Fred. Allez, crachez le morceau. Une bonne fois pour toutes, ça vous soulagera. C'est bon d'avouer ces petits mensonges. On se sent toujours mieux après. Léger. J'ignorais tout, Fred, je vous l'assure. Quoi ? Vous, l'ancien procureur du Connecticut ? Vous ignoriez les raisons pour lesquelles le département de justice, votre ancien employeur, m'a jeté au fond de ce trou, infect et puant depuis des mois et des mois ? Oui, Fred, j'ignorais tout. Comment pouvais-je soupçonner une telle affaire ? C'est bien ce que je dis. Vous mentez. Voilà. Si platement, Stan. Vous n'éprouvez aucune honte ? Non, Fred, je vous le répète, j'ignorais toute cette négociation. Tout ceci restait secret et je n'ai eu aucune information à ce sujet. Mal informé, vous ? Au prix où on vous paye. Oh, quoi, vous êtes un incapable, Stan? Un nul? Un minable? Non, non, je peux pas croire une telle chose. C'est impossible, voyons. Il y a rien qu'à vous regarder comme ça dans votre beau costume d'alpaga. Vous n'êtes pas drôle, Fred. Sachez que je n'ai pas de temps à perdre. Et moi? Vous croyez que j'ai encore combien de temps à perdre? Hein? Combien de temps, Stan? Que voulez-vous que je tente que je n'ai pas déjà tenté pour vous, Fred? Stan, écoutez-moi bien. Je vais demander officiellement au plus haut niveau du département de justice à Washington toute information susceptible d'éclairer un quelconque accord d'immunité entre le département de justice et Patrick Kron. Si vous refusez de porter ma demande, vous aurez fait la preuve de votre complicité. Vous m'entendez? Cette démarche est stupide et inutile. C'est ce que nous verrons, Stan. Vous allez droit dans le mur. Je veux que tout soit bien clair entre nous, Stan. Je n'ai pas l'intention de continuer de payer, ni pour Patrick Kron, ni pour les autres. J'ai été pris en otage dans une guerre où je ne suis pour rien. J'ai payé le prix fort, ici, à Wyatt. 361 jours et 361 nuits de cauchemars, de crasse et d'immondices. Alors maintenant, hein, que votre putain de deal est ok, j'ai fait mon boulot d'otage. Je veux sortir. Démerdez-vous comme vous voulez pour obtenir ma libération immédiate. Démerdez-vous, ou je fais plonger tout le monde. Vous m'entendez? Vous, comme les autres. Je crois que ce n'est pas si simple, Fred. Maintenant. C'est une question de droit. Mais n'essayez pas de m'embrouiller, Stan, ou je balance tout ce que je sais. Vous le feriez? Vous deviendriez une taupe, vous aussi? Je n'hésiterai pas. Ok. Je vais voir ce que je peux faire. Vous avez sacrément intérêt, Stan. Très bien, Fred, c'est compris. Et transmettez mes amitiés à Cacao. Évitez de lui mentir, ça lui fera du bien. Les chiens, c'est comme les humains. Ça n'aime pas les traîtres. Je savais que Stan Joss ignorait tout de la vente cachée d'Alstom. Personne ne savait, et pour cause, le secret était si bien gardé. Mais je me suis fait un plaisir de lui faire payer cash en une fois tous ces mois d'humiliation, d'insultes, d'injures qu'il m'avait fait endurer. Il méritait bien ça depuis le temps qu'il me prenait de haut. Maintenant, il savait que j'étais prêt à tout, tout balancer, tout ce que je savais, tout ce dont j'avais été témoin, tout ce que j'avais vu et tu au nom de l'intérêt supérieur de mon entreprise et de ses actionnaires, avec à leur tête Patrick Kron. Rien n'était encore fait, ni signé, tout pouvait encore basculer. Je devenais pour Patrick Kron un témoin gênant, un otage embarrassant, dont il faudrait se défaire au plus vite. Mais comment? J'avais mis Stan Joss sur la piste. J'espérais qu'en bon chien d'arrêt, il trouverait rapidement le chemin du gibier. Tommy? Ouais? Tu sais qui c'est, Patrick Kron? Kron? Connais pas. C'est mon boss. Ok. Et alors? Enfin, c'était. En 2012, il a palpé 2,9 millions d'euros, rien que de salaire. En plus, il s'est fait un petit bonus de 4 millions à lui tout seul, dans le deal avec General Electric. C'est beau. Ouais. Ça te dirait de le connaître? Ben oui, s'il a de la thune. Mais comment on pourrait se croiser? Un de ces jours, ici, au Poda, on pourrait l'inviter à ton anniversaire. Ah, ça serait cool. Ouais. Et pourquoi il viendrait chez nous? Corruption et blanchiment. Son truc, à lui, il palpe la thune avec les actionnaires, et c'est les autres qui vont en tôle. Enfin, jusqu'à maintenant. Il est moins con que nous, ton Kron, ça c'est sûr. C'est une grosse tête. Tu crois qu'il pourrait se faire serrer? Peut-être. Comment? Il suffit de parler. Parler de quoi? Ouais, de choses et d'autres, là. Montrer les dents. Des choses qui fâchent? Ah ouais, sûrement, ouais. Par contre, il a un sacré défaut. Ah oui? Lequel? C'est un trouillard. Tu veux dire une donneuse? Disons que, ouais, ça pourrait y ressembler. Dans ce cas, il faudrait mieux qu'il reste chez lui. Ici, des mecs comme ça, nous, on n'en veut pas. On en a des wagons. Quand même, hein. Un jour, ça me ferait plaisir de te le présenter. Si tu veux. Mais alors, ça sera chacun chez soi, ok? Ok. Fred? Ouais? Tu sais, pour mon anniversaire, ton Kron, ça m'étonnerait qu'il vienne. Ben pourquoi? Il va se méfier. Tu crois? trop rusé. On sait jamais. On peut toujours lui envoyer une invitation. Vendre Alstom sans faire de vagues. Mais comment ? Comment Patrick Cron allait-il s'y prendre pour faire passer la pilule aux Français, se faire tout petit ? J'essayais de suivre du fond de Wyatt les informations relayées sur CNN. J'ai vu passer par hasard un spot publicitaire de General Electric où une voix suave vante les mérites de General Electric et son amour de la France. Ce n'est pas l'histoire d'un matin. C'est l'histoire de 10 000 matins. De 10 000 matins. 10 000, c'est le nombre de personnes qui travaillent pour General Electric en France. Ensemble, ils développent des technologies mondialement reconnues qui offrent à la France une place de choix dans l'économie mondiale. General Electric fait partie intégrante du paysage français depuis plus de 100 ans. Ensemble, nous nous engageons à créer des milliers d'autres matins. Les communicants ont banni les mots « achat » ou « vente » et ont remplacé le tout par un habillage subtil où General Electric forme avec Alstom une co-entreprise constituée de trois entités, le nucléaire, les énergies renouvelables et les réseaux de transmission, sur la base d'un actionnariat à 50-50. Un vrai conte de fées, auquel a cru toute la presse économique, sans exception. Il faut dire que des millions d'euros ont été dépensés en pages de pub. Du fond du pod A, de Wyatt, j'attendais chaque vendredi impatient les coupures de presse que m'envoyait Clara. Le temps de notre séparation semblait une éternité, alors on se disait des choses banales, sans importance. On échafaudait des plans, des stratagèmes perdus d'avance. Allô Fred, tu connais un certain Macron, Emmanuel Macron, ça te dit quelque chose ? Oui, vaguement, oui. C'est un ancien de la banque Rothschild, conseiller de Hollande. Des énarques comme ça, il y en a des dizaines à l'Élysée. Oui, sauf que c'est lui qui conseille Hollande sur le dossier Alstom. Tu crois qu'on pourrait l'approcher par ma cousine au Quai d'Orsay ? J'en sais rien, faudra essayer. Ouais. François Hollande va bientôt rencontrer le président Obama. Ce serait peut-être le moment de lui parler. Il pourrait peut-être intervenir. Qu'en penses-tu ? Oui, essaye toujours. On verra bien. Dans mes rêves les plus fous, j'aurais espéré un mot. Un geste de notre président. François Hollande a bien rencontré le président Obama, comme prévu. Mais il n'a pas jugé utile d'aborder mon cas. Un sujet sans importance, comparé aux grands de ce monde. Ah, rien. Que dalle. Tu vois, ça m'étonne pas. Et tu croyais sérieusement que le président de la République de ton pays allait parler de toi avec le président des États-Unis, Barack Obama ? Rien de ça ? Ouais, il aurait pu le faire. Mais t'es complètement dingo, Frenchy. Tu te prends pour la reine d'Angleterre ? Tommy avait raison. Je n'étais pas la reine d'Angleterre, ni même un ancien cadre dirigeant d'Alstom, ni même un citoyen français à part entière. Je n'étais qu'un prisonnier de Wyatt, un détenu comme un autre. Notre président avait préféré voir les choses à sa manière. Je considère que ce qui a été obtenu... François Hollande, président de la République. Un progrès pour la France. 21 juin 2014. J'avais fixé trois principes. Premièrement, que les centres de décision restent en France. Les centres de décision resteront en France. Le deuxième principe que j'avais posé, c'était qu'il y ait l'indépendance énergétique de la France qui soit préservée, et notamment pour la partie qui concerne le nucléaire. Nous avons désormais toutes les garanties pour que l'indépendance énergétique du pays soit non seulement préservée, mais sanctuarisée. J'avais posé un troisième principe qui était l'amélioration de l'emploi. 1000 emplois seront créés et s'ils ne l'étaient pas, s'il y avait manquement aux obligations, il y aurait paiement de sanctions de la part de General Electric. Enfin, dans la discussion, s'est ajouté un dernier principe qui était de refuser l'achat, mais de constituer une alliance entre Alstom et General Electric. General Electric a fini par accepter cette condition qui pour nous était essentielle. Enfin, j'ai décidé que l'État rentrerait au capital d'Alstom. L'avenir dira si les grands principes, les éléments de langage huilés, si bien rodés, tiendront ou non leur magnifique promesse. Serais-je encore là pour le voir ? Je n'ai pas eu de nouvelles de mon avocat, Stan Joss. Ce soir, j'entame ma 364e nuit au fond de mon trou de Wyatt. Et l'avenir, si radieux pour les uns, pour moi s'obscurcit. J'en suis persuadé. Je ne sortirai pas vivant d'ici. Mais peut-être est-ce, après tout, le sacrifice ultime qu'ils attendent de moi. Disparaître, anonyme, en bon soldat sur le champ de bataille de cette guerre fantôme qui ne dit pas son nom. Disparaître, sans laisser de traces. France Inter, Affaires sensibles, la fiction. L'otage, de François Luciani. D'après Le piège américain, de Frédéric Pierucci et Mathieu Aron, publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Réalisation, Cédric Ossir. Cinquième épisode, la libération. France Inter, 20 décembre 2014. Cette affaire de corruption, finalement, vous le démentez. Totalement faux. Patrick Cron, vous avez fait part de votre volonté de partir une fois que le deal serait scellé avec General Electric. Vous allez partir avec 4 millions d'euros en actions, ce qui suscite des critiques en fait de la part de la CGT. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse contester ce départ, ce bonus? Non, je ne rends pas service en partant. En ce qui concerne la rémunération, et sur lequel je suis un peu embarrassé pour parler, parce que je n'aime pas trop parler des sujets de ce type concernant, ce n'est pas une indemnité de départ, c'est une prime, effectivement conditionnelle, que le Conseil a considéré pouvoir me donner dans l'hypothèse où l'opération, la transaction avec General Electric, irait à son terme. Et vous pensez la mériter ? Moi, j'estime ne la mériter, en effet. Est-ce que le ministre de l'Économie doit aller installer un détecteur de mensonges dans son bureau pour les présidents du CAC 40 qui n'ont pas le civisme élémentaire d'avertir leur gouvernement ? Il y a ton avocat au parloir. Ah bon ? Il est là, il attend. Mais c'était pas prévu, ça, gars. Dépêche-toi, j'ai pas que ça à faire. Oui, chef. Et tu te mets réglementaire, ok ? Oui, chef. J'ai juste eu le temps d'enfiler un t-shirt sous la blouse orange réglementaire. Il m'a conduit jusqu'au parloir. Stan m'attendait. Il avait l'air inquiet, nerveux. Bonjour, Fred. Je n'ai pas beaucoup de temps, j'irai droit au but. Qu'est-ce passe-t-il, Stan ? Encore une mauvaise nouvelle ? La caution. Alors, je récapitule. 1 million d'euros payés par vous et votre famille au titre de la caution de votre résidence principale en France, hypothèque du terrain incluse, la caution de la maison de Madame Anna Brenfield, résidente aux États-Unis, d'une valeur de 700 000 euros. Oui, et alors ? Le département de justice a demandé en supplément la caution d'une deuxième maison appartenant à un citoyen américain résident aux États-Unis. Oui, Stan, tout ça, c'est acté. Un ami de mon père a porté sa maison en caution. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Un certain Ray Simon, c'est bien ça ? Oui. Aucun problème avec la justice américaine, j'espère. Vous confirmez ? Oui, aucun. Ray est un ami d'enfance de mon père. Ils se sont connus alors que Ray était étudiant à Paris. Ils ne se sont jamais perdus de vue et... Bien, donc je récapitule. Vous et votre famille avez fourni une nouvelle garantie à hauteur de 1 million d'euros, plus la maison d'Anna Brenfield, 700 000, la maison de Ray Simon, 650 000, ce qui nous donne 2 350 000 euros. C'est bien ça, Fred ? Oui. Le département de justice semble un peu mieux disposé ces temps derniers. Fred, écoutez-moi. Au vu des garanties que vous avez fournies, le département de justice m'a fait savoir qu'il envisage favorablement votre libération sous caution. Vous êtes sérieux ? Oui. Ce n'est plus qu'une affaire de jours. Combien ? 3 jours. Je ne vous crois pas, Stan. C'est la vérité. C'est un piège, vous mentez. Ne jouez pas avec moi, Stan. Hein. Ça pourrait mal finir, vous savez. Dites-moi la vérité. Il y a une contrepartie. Nous y voilà. Vous ne pourrez pas quitter le territoire des États-Unis tant que votre jugement ne sera pas rendu. Pour quelle raison ? Le département de justice veut vous garder sur le territoire américain le temps de la procédure. Ils craignent encore que vous preniez la fuite pour regagner la France. Et comme vous le savez, la France n'extrade pas ses ressortissants. Vous êtes en train de me dire que je serai libre dans 3 jours ? Oui, Fred, en 3 jours. Ce que m'a fait savoir le département de justice. Regardez. 3 jours. C'est pas vrai. Allô, Lise. Oui ? Très bien. Lise, ma collaboratrice, s'occupera des formalités. Au revoir, Fred. Il a appelé le gardien Morrison. Et il est parti, sans ajouter un mot. Il m'a laissé là, planté avec ce bout de papier à la main. J'étais tétanisé, incapable de former le moindre son, le moindre geste. Sonné, chaos debout. J'ai relu 3 fois de suite le document officiel du département de justice qui fixait ma levée d'écrou au 11 juin 2014. Dans 3 jours et 3 nuits, j'ai levé les yeux vers Morrison. Il m'a dit... Parloir terminé, Pierucci. Tout paraissait absurde. Fou. J'ai regardé mes mains, elles tremblaient, hors contrôle. J'ai regardé encore une fois le document en tête du département de justice. Un simple bout de papier, banal. J'ai plié la feuille en 2, puis en 3, puis en 6, puis en 9, puis en 12. Puis je l'ai déchiré, petit bout par petit bout. Et j'ai fait des petits bouts, de plus en plus petits, petits, petits. J'ai balancé le tout en l'air, et tout est retombé en pluie comme des confettis au nez de ce porc de Morrison. Je lui ai dit... Parloir terminé, chef. Un truc qui cloche, Fred? Tu vas pas me croire. Vas-y, dis. Je sors dans 3 jours. Sous caution. C'est pas vrai. Ils sont d'accord. J'ai tout payé. Tout. Tout? Tout. Combien? Le max. 2 350 000 euros. En cash? Bah moi en cash, mais non. Avec quoi? J'ai plus un rond. Non, je t'avoue, Tommy, là, ça me paraît bizarre qu'ils me libèrent, là, comme ça, d'un coup. S'ils te mettent dehors, c'est que tu ne leur sers plus à rien, c'est tout. Tu crois ça? Tu prends les procureurs pour les enfants de cœur? Mais non, maintenant que l'affaire est faite, Alstom vendu à General Electric, ils ont plus besoin de me garder au chaud. C'est vrai que ça... C'est quand même bizarre, quoi. Et pour le fric, t'as fait comment? La famille. Tout le monde s'y est mis. Même les amis. T'as une sacrée famille, dis-moi. Et tes potes, ils sont tous blindés? Non, pas vraiment, non. Alors, comment tu t'es débrouillé? Avec les moyens du bord, tu comprends? Ce que je comprends, c'est que t'es trop fort, Frenchy. Toi, t'es un sacré boss, ça, c'est sûr. J'espère que c'est pas encore un de leurs coups fourrés, là. Je m'attends à tout, tu sais. Ces salauds, là, ils ont tellement pas de parole. T'inquiète. Si te l'on dit, c'est que c'est vrai. Ils peuvent pas déconner avec ça. Tu crois? C'est sûr. Mais fais bien attention à toi, Fred. Ici, quand ils savent qu'un mec sort, ils le poussent à la faute. C'est le grand jeu. Tu crois que tu sors, et tu prends 2 mois de trou pour une connerie. C'est vrai que Morrison, il me regarde bizarre, là, depuis ce matin. Il veut savoir quelque chose, c'est sûr. Tu ne dis rien à personne. Tu files droit, ok? Ok, Tommy. Fred? Ouais. Tu vas me manquer, Frenchy. Mais comment ça, Clara? Tu ne pourras pas être là. Les vols sont complets depuis Singapour. Et puis les enfants ne peuvent pas manquer l'école, tu comprends? Oui, enfin, je comprends bien, mais je suis si impatient de te voir. Moi aussi, mais... Mais quoi? J'ai un peu peur. Mais peur de quoi? Ça fait si longtemps. Et alors? Les enfants, les jumelles surtout. J'ai peur que ça leur fasse un choc. Ah, tu plaisantes? Mais non, je t'assure, t'as tellement maigri. Oui, c'est vrai, ok, j'ai perdu 20 kilos, enfin, c'est pas une raison. Va falloir attendre quelques jours, Fred. De toute façon, je ne pourrai être à New York que le 20 juin, pas avant. J'étais si heureux. Oui, mais... Qu'est-ce que tu leur as dit aux enfants pour la prison? Rien. Rien? Rien. Les deux petites croient que tu étais en mission très loin, et les deux plus grands, eux, ils ont compris. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris l'essentiel, que leur père n'est pas un criminel. 424e jour de détention. 424 jours volés, nuit après nuit, matin après matin. 424 fois 24 heures sans jamais voir la lumière du jour. 424 jours sans eux, Clara, les enfants. Chaque minute, chaque seconde a compté double, ou triple, ou quadruple, dans l'érosion des sentiments. 424 jours, pour rien. Demain, je serai dehors. Je me demande si j'aurai la force. Serais-je assez solide pour affronter ce qu'on appelle la liberté? Pierucci, debout. Ça va pas, non? T'as vu l'heure? Il est 4 heures du mat, Morrison. Tu fais chier, merde! Toi, la ferme. Pierucci est debout. Oui, toi. J'arrive, chef. Ils m'ont à nouveau entravé, pieds et poings liés à ce cadenas que je porte sur le ventre. Et j'ai avancé en sautillant jusqu'à l'intérieur d'un fourgon cellulaire blindé. À peine arrivé au tribunal d'Hartford, après 2 bonnes heures de route, Ils m'ont enfermé dans une cellule du palais de justice, une sorte de cachot vétuste et insalubre, où j'ai croupi pendant 8 heures. Vers 16 heures, un garde m'a apporté des vêtements, ceux-là même qu'on m'avait retiré à mon arrivée à Wyatt. Ils sont bien trop larges, je nage dedans tellement j'ai maigri. Je me sens ridicule. Puis, la porte de mon cachot s'est ouverte sur Liz Carlson, la collaboratrice de Stan. Vous êtes libre, Monsieur Pierucci. Pardon ? Je dis, vous êtes libre. Comment ça, libre ? Libre ? Vous m'entendez ? Pardonnez-moi, Liz, mais je... Mais quoi ? Je ne me sens pas très bien, là, tout ce temps enfermé là-dedans. Le tribunal nous a fait savoir sa décision. Vous êtes libéré sous caution pour une période de 2 mois avec l'obligation de demeurer sur le territoire des États-Unis. Libre ? Pour 2 mois ? Et après ? Après, nous verrons bien. Nous avons tout le temps d'y réfléchir, n'est-ce pas ? Je vous raccompagne ? Où ça ? Je ne sais pas. Cette lumière est aveuglante, vous trouvez pas ? Pas spécialement. Excusez-moi, Liz, mais j'ai très mal aux yeux. Cette lumière est trop forte. Je crois que je préfère rentrer en cellule, en attendant. En attendant quoi ? Ma femme, Clara, mes enfants. Vous voulez retourner en prison pour attendre votre femme, c'est bien ça ? Je ne sais pas, Liz. Tout ça est si soudain, Je suis un peu déboussolé, voyez-vous. J'ai ma voiture. Je peux vous ramener à New York si vous voulez. Non, Liz, je vous remercie. Je crois que je vais marcher un peu. Comme vous voudrez. Au revoir, Liz. Au revoir, Monsieur Pierucci. Sa voiture s'est éloignée, puis elle a disparu dans les arbres. Le soleil commençait à baisser. J'ai marché jusqu'à Cold Park. Puis j'ai continué jusqu'au quai de Connecticut River. Il y avait une compétition de Dragon Boat, un genre d'aviron. Je me suis assis, à même le sol. L'herbe sentait le printemps. La terre exhalait la chaleur de la journée. J'ai regardé autour de moi. Tout était paisible, calme, anormal. Il n'y avait pas d'hommes qui hurlaient leur souffrance. Pas de coups, pas de pleurs, ni de cris, ni de meurtres, ni aucune violence. L'air semblait pur. Je me suis allongé et j'ai dormi, le nez au vent, sans domicile fixe. New York. Allô, Clara ? Oui. Alors tu arrives quand ? Demain. Demain, sans faute ? Oui, sans faute. J'ai fini par trouver des billets pour tout le monde. On sera tous là. Je viendrai te chercher à JFK et puis on ira chez Anna. Hein, elle nous laisse sa maison pour la semaine. Et après, après on verra, ok ? Ok. Il me tarde tant. Moi aussi, mon amour, si tu savais. Fais attention à toi. Hein. Monsieur Pierucci ? Oui ? Vous avez fait bon voyage. Le stress, la boule au ventre, impossible de respirer, tout revient en bloc sans prévenir. Le visage anguleux de Ron Marshall, l'inspecteur du FBI. Les coups, les menottes, les mains dans le dos, la bousculade jusqu'à la voiture de police, sous le sourire charmant de l'hôtesse, pourtant si aimable. Et soudain, Frédéric ! Clara, elle marche vite. J'ai à peine le temps de l'apercevoir. Elle se faufile dans la foule. Ah, c'est trop. Puis Pierre, Léa et les jumelles, Amélie et Raphaël, arrivent enfin. Pierre me dépasse presque. Léa est devenue une jeune fille. Et les jumelles ont grandi. Dans quelques jours, nous serons en Floride. J'ai obtenu l'autorisation du juge d'y rester 3 semaines. 3 semaines de mer. La plage, le soleil, des vacances comme tout le monde. Chaque seconde de liberté qui s'écoulait était pour moi une victoire. Bientôt, nous serons à nouveau séparés. Clara et les enfants devront rentrer en France. Je les vois déjà s'éloigner. Avec un petit geste de la main, les jumelles me diront: quand est-ce que tu rentres, papa ? Et je leur répondrai: bientôt, mes amours, sans savoir quand je les reverrai. Allô ? Stan, il est hors de question que je reste ici. Je veux rentrer chez moi en France, avec ma famille. Vous savez bien que c'est impossible, Fred. Le tribunal s'y opposera. Combien ? Pardon ? Je vous dis combien. Vous m'avez compris ? Combien pour rentrer en France ? J'ai compris, Fred. Je vais voir ce que je peux faire. Trois jours plus tard, Stan me rappelait. 200 000 euros, ça vous va ? Vous plaisantez ? C'est la caution supplémentaire que demande le tribunal pour vous autoriser à rentrer en France. Et à une condition. Laquelle ? Que vous preniez le risque. Quel risque ? Si vous ne rentrez pas aux États-Unis, quand le tribunal vous le demandera, c'est-à-dire à tout moment, vous n'aurez aucune circonstance atténuante. Problème de visa, grève de transport, tout ce que vous voudrez. Si vous ne vous présentez pas à l'heure dite, les maisons mises sous caution seront aussitôt saisies. Vous comprenez ? Très bien. Je vous rappelle, Stan. Deux jours plus tard, j'obtenais l'accord écrit d'Anna et Ray, qui ont poussé leur générosité jusqu'à risquer leur propre maison pour me venir en aide. Un geste que je n'oublierai jamais. Pour les 200 000, vous en êtes où ? Mes parents ont fait un emprunt à la banque. Ils devraient disposer de cette somme très rapidement. Quand ? Le temps de la certification du virement à l'international. Ils sont pas riches, vous savez. Hein, cet emprunt tient du miracle. Dites-leur de se dépêcher. L'offre du département de justice n'est pas éternelle. Tout cela est limité dans le temps. Mes parents font ce qu'ils peuvent, voyez-vous. Hein. Et puis, vu l'orage, c'est déjà pas si mal. Peut-être que ces notions humaines vous échappent. Bon, la somme devrait être virée aujourd'hui. Bon, donc je récapitule. Vous et votre famille fournissez une nouvelle garantie, ce qui nous fait un total de, pour votre maison, 1 million d'euros, hypothèque du terrain comprise, plus la maison d'Anna Brenfield, 700 000, plus la maison de Ray Simon, 650 000, plus 200 000 supplémentaires de garantie, ce qui nous donne 2 550 000 euros. C'est bien ça, Fred ? Oui, c'est bien ça. Dans ce cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon voyage, Fred. La France est si belle à l'automne. Vous pouvez compter sur moi. Je vous enverrai des cartes postales. Trois jours après, le 17 septembre 2014, je retrouve enfin Paris. 493 jours se sont écoulés depuis mon arrestation. Il me faut réapprendre à vivre. Ou plutôt, apprendre à survivre. Monsieur Pierucci ? Oui. Je me présente, Hélène Magelan. Je suis votre conseillère à Pôle emploi. J'ai bien reçu votre dossier. Nous allons voir tout cela ensemble. Merci. Vous êtes né à Paris le 15 février 1965, c'est bien cela ? Oui, j'ai 46 ans. Vous êtes marié, monsieur Pierucci ? Oui. Vous avez des enfants ? Oui, j'ai 4 enfants. Un garçon et 3 filles. Vous êtes propriétaire ou locataire ? C'est-à-dire que j'étais propriétaire, mais j'ai dû gager ma maison. La mettre sous caution, si vous préférez. Ah. À quelle date avez-vous perdu votre dernier emploi, monsieur ? Il y a 8 mois. Le 3 janvier 2014. Pourquoi ne vous êtes-vous pas inscrit à Pôle emploi à ce moment-là ? J'étais en prison, madame. Ah. Et vous avez purgé votre peine ? C'est-à-dire que je n'ai pas encore été jugé, madame. Je suis en liberté conditionnelle. Ah. Et vous recherchez un emploi de directeur commercial, c'est bien cela ? Oui, madame. Avec une rémunération à hauteur de 250 000 euros par an, c'est bien cela ? Oui, c'était ma dernière rémunération en tant que cadre dirigeant chez Alstom. Vous avez perçu une indemnité de licenciement ? Non, aucune. Pour quelle raison ? J'ai été licencié pour faute grave. Absence injustifiée. Donc si je comprends bien, vous risquez de retourner en prison dès que votre jugement sera rendu ? Oui, c'est cela. Et quand votre jugement sera-t-il rendu, monsieur ? Je ne sais pas, madame. Le problème, monsieur Pierucci, c'est que, vu votre situation, nous allons avoir du mal à intéresser un employeur, voyez-vous. Je ne remets pas en cause vos compétences, mais... Je comprends. Et comme vous n'avez pas déclaré votre fin de contrat 15 jours au plus tard après la date de licenciement, vous ne pourrez plus prétendre à une quelconque indemnité. Je suis désolée. C'est normal. Je vois pas ce que je peux faire de plus pour vous, monsieur Pierucci. Je suis vraiment désolée, croyez-moi. Vous êtes désolée. Bien sûr. Bien sûr. J'ai rejoint ainsi la cohorte des chômeurs de longue durée. Les seniors sans emploi de plus de 45 ans, et la honte qui va avec. Blacklisté, partout comme un tolard en sursis. Mes économies placées sous caution. Le logement familial sous la menace permanente de la saisie. Mes parents endettés. Chaque jour qui commence s'ouvre avec l'inquiétude du lendemain. Mes séjours de liberté, même s'ils sont comptés, sont infiniment précieux. C'est bientôt l'heure des papas. Ce soir, j'irai les chercher à l'école. Je sais que les jumelles seront heureuses de retrouver un père attentif, présent. Ce que je n'avais pas été depuis bien longtemps. Bon, Amélie, je récapitule. Si j'ai dans mon panier une pomme de 250 mg, un paquet de bonbons de 125 g, un sac de pommes de terre de 1,5 kg et un poulet de 1,2 kg, combien de kilogrammes pèse mon panier ? Allez, j'arrive. Excuse-moi, ma chérie, je reviens. Oui, allô ? Oui, c'est moi, Stan. J'ai une bonne nouvelle. Bon, bah, commencez par la mauvaise. Vous pouvez rester en France pour les fêtes. Pardon ? Les audiences au tribunal ont pris du retard. Le procureur me l'a confirmé, vous pouvez rester chez vous jusqu'en janvier 2015. C'est une bonne nouvelle, en effet. C'est les jumelles qui vont être contentes. Ah, et puis ça tombe bien, je pourrais assister à l'Assemblée Générale d'Alstom. Vous voulez venir avec moi ? Vous êtes sérieux, Fred ? Ah oui, très sérieux. C'est prévu le 19 décembre à la Porte Maillot. Je vous déconseille de vous y rendre, Fred. Vous risquez gros. Pourquoi ? Vous vous mettrez en danger. Et pourquoi je serais en danger ? Les murs d'Alstom ont des oreilles, Fred. Des très grandes oreilles. Même à 4000 km de distance, croyez-moi. J'ai mis mon plus beau costume. Un de ceux que je mettais dans les grandes occasions, du temps où j'avais un boulot. La salle était comble, l'atmosphère électrique. J'ai croisé le regard d'anciens collègues qui ont fait mine de ne pas me reconnaître. Et je me suis assis au deuxième rang, pile en face de Patrick Cron. Il m'a fixé, un instant, et puis il a fait comme si je n'existais pas. J'ai salué les représentants des actionnaires majoritaires, Bouygues et Amandi, assis à mes côtés. Ils ont fait mine de ne pas me voir. Il y avait aussi les conseillers des grands fonds d'investissement, et surtout, venus en très grand nombre, des particuliers ne possédant que quelques titres. L'Assemblée Générale venait à peine de s'ouvrir, quand mon téléphone portable a vibré dans ma poche. C'était un SMS de Stan. Surtout, ne faites rien qui puisse vous mettre en danger. C'est étrange. Il est 10h32 à Paris, c'est-à-dire 4h32 à New York. En pleine nuit, Stan est en alerte. Que craint-il donc ? Un scandale ? Ma présence est-elle si gênante ? Stan n'avait aucun souci à se faire. J'ai toujours su rester à ma place, surtout dans les grandes occasions. J'ai écouté, comme tout le monde, la rhétorique de Patrick Cron, qui expliquait froidement à ses actionnaires sa fameuse stratégie. Mais chacun comprenait entre les lignes que l'accord signé n'était pas un bon accord. Le partenariat à 50-50 était une illusion, montée de toutes pièces. Tout le pouvoir passait aux mains de General Electric. Pour le secteur du nucléaire, compte tenu des intérêts stratégiques en jeu, l'État français voulait être représenté pour avoir un droit de veto. Mais puisque General Electric devenait majoritaire avec 80% des actions et de droits de vote, elle possédait tous les pouvoirs, organisationnels, stratégiques et financiers. La réalité de l'alliance, tant vantée par nos gouvernants, apparaissait au grand jour. Et bien sûr, du côté de la pression du département de justice américain, Patrick Cron était blanc comme neige. Sauf que l'ambiance, lorsqu'il a présenté l'addition, a carrément dégénéré. Pourquoi 772 millions de dollars d'amende à payer au département de justice américain, monsieur Cron ? Vous avez cédé au chantage du département de justice américain qui vous accuse de corruption et vous avez plaidé coupable. Vous avez toujours promis de ne jamais vendre Alstom à la découpe et c'est pourtant ce que vous nous demandez d'approuver aujourd'hui. Et en remerciement, le conseil d'administration vous accorde un bonus de 4 millions. Renoncez à votre bonus, monsieur Cron. 0, 0, 0. Voilà ce qui va rester quand vous aurez payé vos dettes et l'amende de 772 millions. C'est du gâchis, monsieur Cron. Et de la corruption. On paye pour vous, monsieur Cron. On paye à votre place. L'addition était salée. Tout était si honteux, si lâche. Je me suis levé, j'ai regardé autour de moi. Debout, devant eux, j'étais prêt à tout dire, tout. De mon histoire, des mensonges, des abandons, des renoncements et des trahisons. Tout. Mais je me suis tué, de peur des représailles. J'ai quitté la salle par la petite porte, sans que personne ne me prête la moindre attention. Dehors, il faisait doux pour descendre. Les décorations de Noël brillaient déjà, de l'avenue de la Grande Armée jusqu'à l'étoile. J'ai pensé à Clara, Pierre, Léa et des jumelles. À Noël, en famille. Bientôt, je devrais les quitter. Retourner là-bas, en Amérique, pour y être jugé. Moi, oui. Mais Patrick Cron, mon cher patron, non. Il avait réussi à passer entre les mailles du filet. Comment était-ce possible ? En ce qui concerne mon intérêt personnel... Patrick Cron, PDG d'Alstom. Je n'ai aucune négociation avec quiconque, ni avec General Electric, ni avec personne d'autre. Mon statut est celui des présidents des sociétés du CAC 40. Je n'ai pas de contrat de travail, je n'ai pas de protection particulière. Et donc, mon intérêt personnel, je vous en assure de la manière la plus totale, est absolument absent, autrement que par la volonté de trouver des solutions intelligentes pour nos 93 000 salariés. J'ai marché un moment sous les arbres électriques, blanchis de neige artificielle. Puis j'ai pris le métro à la porte Maillot pour rentrer comme tout le monde. Chaque jour de ma liberté était compté, comme ceux d'un fugitif, un paria. Pour moi, c'est vrai. La marche est haute et je suis descendu du train en marche. Mais bientôt, je le sais, ils n'auront plus le choix. Tôt ou tard, ils devront assumer leurs actes, leurs mensonges, et affronter les démentis cinglants des procureurs américains, si fiers de leur victoire contre la corruption. Conférence de presse des procureurs du département de la justice des États-Unis, 22 décembre 2014. James Cole, vice-procureur général. Alstom a admis qu'à partir de 2000 jusqu'en 2011, elle avait soudoyé des responsables gouvernementaux et falsifié des documents comptables pour conclure des projets industriels à travers le monde. Alstom et ses filiales ont eu recours à des pots de vin pour obtenir des contrats en Indonésie, en Égypte, en Arabie Saoudite, au total 75 millions de dollars de pots de vin pour remporter 4 milliards de projets qui lui ont rapporté 300 millions de bénéfices. Le département de justice a ouvert une information criminelle contre Alstom. Pour mettre fin à ces poursuites, Alstom a accepté de plaider coupable et payer une amende de 772 millions de dollars, ce qui constitue la plus lourde amende jamais infligée dans toute l'histoire des États-Unis en matière de corruption. Il me restait maintenant à espérer que la vérité éclate enfin au grand jour. L'otage de François Luciani. D'après Le piège américain, de Frédéric Pierucci et Mathieu Aron, publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Cinquième épisode, La Libération. Avec Michael Cohen, Daniel Koenigsberg, Marie Dompnier, Fred Ulysse, Julia Védis-Bogard, Marc Léognan, Ludmila Dabo, Benjamin Baroche, Phil Bouvard, François Hatt et Bernard Gabet. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Benjamin Vignal et Laetitia Delgado. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Réalisation, Cédric Ossier. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Cette semaine, une série intitulée L'Otage. Demain, dernier épisode, Le Retour en Enfer. Retrouvez Affaires Sensibles, la pièce de théâtre adaptée de l'émission au Tristan Bernard à Paris à partir du 22 septembre.